Le mot ou l'expression « bonjour » se dit en chinois « Ni hao, ni hao, devez rouge de la victoire, ni hao. » Alors, ce « ni », c'est celui de « tu ». C'est le même « ni » que nous avons utilisé jusqu'à présent pour dire « tu » et que nous allons continuer d'utiliser dans ce sens. Donc, littéralement, on dit « tu es bien », « tu bien », car « hao » signifie « être bien ». Un lion vient de dévorer une bonne gazelle, il se sent si bien qu'il ouvre la gueule en grand pour rugir d'un énorme « hao » de contentement. « Hao », c'est un autre de ces adjectifs à moteur avec le verbe « être intégré », comme le mot « occupé » qui se dit « mang ». Mang. Donc, pour dire bonjour en chinois, on dira Ni hao. Ni hao. Et la réponse est exactement la même. Donc, comment allez-vous répondre? Ni hao. Ni hao. Et cela signifie simplement bonjour. C'est une très belle manière de saluer quelqu'un, de lancer la conversation. Et donc, vous dites bonjour. Ni hao. Et comment répondez-vous? Ni hao. Quel est le mot pour bien ou bon? Hao. Hao. Alors, il peut être employé comme le mot occupé, comme un adjectif ou un verbe. On l'emploie pour dire par exemple, c'est une personne bien, c'est une bonne personne. Alors, comment diriez-vous « c'est une bonne personne » ? Alors, pour « c'est », on dit littéralement « il est » et on ne traduit pas le « une » en chinois. Hein. Alors, dites d'abord « il »« ta » est « shi » bien ou bon « hao » personne « ren » comment dites-vous « personne » ?« ren » C'est ça, ren. Un, c'est le ton bleu, le doigt montant. Alors, comment dites-vous personne? Ren. Ren. Et la phrase entière est Ta shi hao ren. Tu es une personne bien, une bonne personne. Alors, tu? Ni. Es. Shi. Bien ou bon. Hao. Personne. Ren. Ni shi hao ren. Alors, comment dit-on il va bien? Dans ce cas, nous allons l'employer comme un verbe, comme être bien. Alors, il. Ta. Le mot vide. Hen. Aller bien ou être bien. Hao. Ta hen hao. Et comment dira-t-on comment vas-tu? Tu. Ni. Aller bien ou être bien. Hao. Et le mot interrogatif? Ma. Ni hao ma. Et là, c'est une expression vraiment très courante en chinois. Vous l'entendrez sans arrêt. Comment vas-tu? Donc, encore une fois, comment dites-vous comment vas-tu? Dites d'abord tu. Ni. Allez bien. Hao. Le mot pour indiquer qu'il s'agit d'une question. Ma. Ni hao ma. Et comment diriez-vous comment va-t-elle? Elle. Ha. Allez bien. Hao. Et l'interrogatif? Ma. Ta hao ma. Et comment diriez-vous comment vont-ils? Alors, ils au pluriel. Ta men. Bien. Hao. le mot interrogatif. Ma. Ta men hao ma. Alors comment dit-on ils vont bien avec ils au pluriel? Ta men. Le mot vide. Hen. Bien. Hao. Ta men hen hao.